Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Merci de votre fidélité à notre antenne. Prochain point sur l'actualité avec le Flash Info, ce sera à 8h et à 8h30, direction Rome pour l'actualité internationale, comme tous les matins, dans le journal de Radio Vatican. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur Internet ou sur le www.radionotredame.com ou sur le 100.7. 7h35, le grand témoin, Louis Dauphren. Le grand témoin. Le grand témoin. Louis Dauphren. Le ressort du christianisme n'est-il pas de faire de la souffrance et de la mort un aspect de la relation à Dieu sublimé par la perspective de Pâques ? Ce qui n'a pas de sens s'inscrit dans la dynamique d'une espérance. On ne cesse de s'interroger sur la singularité chrétienne. Comment 12 bons hommes, beaucoup d'illettrés, ont pu changer le monde ? Et faire de leur croyance une institution si durablement installée dans l'histoire au point d'imprégner les consciences ? La logique du maillage paroissial, de la confession, fait du christianisme le gestionnaire de l'intimité, de la conscience, ce qui suscite une certaine animosité de la part de ses adversaires. Peut-être n'y a-t-il jamais eu une foi aussi présente auprès des hommes dans l'histoire. En tout cas, c'est en débat. On va s'interroger aujourd'hui sur les sources, et en particulier sur ce qui s'est passé après la résurrection. Comment les premiers chrétiens ont-ils défini le christianisme en ce jeudi saint? C'est l'occasion d'avoir avec nous un spécialiste du christianisme antique, Jean-Marie Salamito, qui enseigne à la Sorbonne et qui a réuni, dans le compte, pour le compte d'une édition prestigieuse, la Pléiade, les premiers écrits chrétiens. Qui sont-ils? Qu'ont-ils écrit? C'est la question, les questions que l'on va se poser ce matin. Bonjour Jean-Marie Salamito. Bonjour Louis Dauphren. Allez, par ailleurs, j'aborde tout de suite la question. Il y a un autre essai que vous publiez qui s'appelle « Monsieur Onfray au pays des mythes » aux éditions Salvator. Ça n'a rien à voir. Ah si, ça a quelque chose à voir. Le livre dont vous parlez à l'instant n'est pas encore sorti, mais c'est un livre qui est écrit par moi-même dans une perspective historique, donc ça a à voir avec les premiers écrits chrétiens. Je m'empresse de préciser que, évidemment, les premiers écrits chrétiens sont une œuvre collective, co-dirigée par mes amis Bernard Poudron, Vincent Zarini et moi-même. Hein, donc je suis là tout seul ce matin pour les besoins de la cause. Mais c'est une œuvre collective, il est absolument indispensable de le dire. Et Onfray alors dans tout ça? Alors Onfray, c'est une commande toute récente des éditions Salvator qui m'ont demandé de répondre à ce que Onfray dit dans son livre Décadence au sujet du christianisme antique. Et c'est pour ça que je dis que ma réponse est une réponse d'historien et qu'elle est en rapport avec les premiers écrits chrétiens. Évidemment, il s'agit d'un essai, ce petit livre à paraître, mais il s'agit d'un essai dans lequel j'essaie de faire un véritable travail d'historien en lisant Onfray avec attention. Il s'agit pas de polémique, il s'agit d'une volonté de mise au point pour défendre, puisque c'est mon métier, la vérité historique. Mais Jean-Marie Salamito, ce n'est pas la première fois que vous êtes en première ligne ainsi sur un aspect quand même médiatique. Là, c'est Michel Onfray. Face à Prieur et Mordillat, vous aviez déjà été en première ligne. Et d'ailleurs, il vous avait envoyé comme réplique, mais enfin, Jean-Marie Salamito, vous êtes un curé déguisé en historien. Qu'est-ce que ça vous avait inspiré, ça? Alors, l'histoire de ce petit livre qui s'appelait « Les Chevaliers de l'Apocalypse » que j'avais publié début 2009, ben c'était déjà, oui, comme vous dites, une histoire de réponse. Il s'agissait de monter au créneau et de combattre un certain nombre d'idées fausses qui étaient lancées par ces deux auteurs sur le christianisme antique. Alors, à l'époque, j'avais déjà travaillé avec comme directeur littéraire mon ami Marc Leboucher, qui est celui qui maintenant m'a commandé la réponse à Michel Onfray. Donc vous êtes déjà sorti depuis quelque temps de votre bibliothèque, Jean-Marie Salamito. Ben heureusement, déjà je sors de la bibliothèque pour faire mes cours et j'ai la chance, non c'est très important à mes yeux, j'ai la chance d'être un chercheur enseignant ou un enseignant chercheur, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît une respiration, un va-et-vient entre le silence dans les livres, l'enfermement dans les bibliothèques ou dans le bureau et puis le dialogue avec autrui. Quel est l'enjeu du christianisme antique pour aujourd'hui ? L'enjeu, c'est que ce sont nos racines, c'est que nous sommes dans une tradition. Donc tout ce qu'ont fait les chrétiens dans la continuité depuis Jésus lui-même, ça nous intéresse. Déjà, Jésus nous importe de façon absolument centrale et il nous importe comme personnage historique. Je veux dire que toute sa vie concrète est signifiante. Tous ses actes sont porteurs pour nous de sens et de leçons. Donc, il nous intéresse. Et je dirais, plus nous aimons Jésus, plus nous croyons en lui, plus nous désirons le connaître dans sa réalité et non pas fantasmer sur lui, le christianisme implique un extraordinaire principe de réalité. Vouloir connaître quelqu'un qui a bien existé, qui est bien différent de nous et sur qui nous ne projetons pas nos propres idées. Ça, c'est tout le défi, justement, de ne pas fantasmer, comme vous dites, justement, de ne pas créer une image qui serait dépendante du contexte. Qui serait dépendante de nous-mêmes. Mmh. C'est-à-dire que la réalité historique, c'est l'expérience que fait chaque historien, et quel que soit le sujet sur lequel il travaille, la réalité historique, c'est quelque chose qui nous résiste. Ce n'est pas une partie de nous-mêmes, ce n'est pas une projection de nos propres représentations mentales, mais c'est une réalité que nous essayons de percevoir dans tout ce qu'elle a de différent de nous, d'original, de spécifique, de résistant, éventuellement de rugueux. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est sortir de soi-même, par exemple sortir de soi-même pour essayer de comprendre Jésus ou les premiers chrétiens. Jésus n'a rien écrit. Jésus n'a rien écrit, ce qui le rapproche d'une certaine façon de Socrate. Jésus n'a rien écrit, mais il vit de toute façon dans une culture antique où l'on valorise la mémoire et de surcroît dans une tradition juive où nous savons que l'apprentissage par cœur, notamment de paroles d'un maître, fait partie de la formation. Donc il est tout à fait vraisemblable, et des auteurs ont étudié ces traditions il y a déjà longtemps, il est tout à fait vraisemblable que des disciples de Jésus ont travaillé pendant un certain nombre d'années avec des paroles de Jésus qu'ils avaient retenues et qu'ils faisaient en sorte de continuer à retenir par cœur et de transmettre cela avant la mise par écrit de paroles de Jésus et puis la rédaction des évangiles. C'est une rédaction, quand on dit Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Jean, Saint Marc, j'en ai oublié un, le quatrième. Bon. Il manque Jean. Voilà, oui, c'est Jean, mais bien sûr. C'est une œuvre collective ou individuelle? Non, je pense que ce sont des œuvres. Alors, ce sont des œuvres individuelles. C'est-à-dire que chaque évangile est une œuvre individuelle, et tous les spécialistes savent que chacun des quatre évangélistes a sa manière à lui de voir les choses, de rédiger, sa propre théologie, sa propre vision de Jésus. Maintenant, avant ces œuvres individuelles, il y a tout un travail de mémorisation des paroles de Jésus, comme je le disais précédemment. Il y a une mise par écrit de paroles de Jésus. On est à peu près sûr que circulait avant les évangiles un recueil, peut-être sous différentes formes, dans différentes versions, un recueil de paroles de Jésus. Ce recueil, on pense à l'heure actuelle, et même depuis longtemps en fait, qu'il a pu servir de base à l'évangile selon Matthieu et à l'évangile selon Luc, qui ont sur bien des points les mêmes paroles de Jésus. On pense aussi que ces deux évangélistes, Matthieu et Luc, ont utilisé en plus de ce recueil de paroles de Jésus, l'évangile selon Marc. Quant à Jean, on considère que pour une très large part, il a ses propres traditions remontant à Jésus avec certainement des témoignages de gens qui ont été des témoins oculaires. Par exemple, pour beaucoup d'historiens, le récit de la passion de Jésus et notamment le récit de la comparution de Jésus devant Pilate serait le récit le plus fiable, le plus proche de la réalité, le plus proche du récit d'un témoin oculaire parmi les quatre évangiles. Ça, c'est une certitude qu'on a aujourd'hui, en tout cas, c'est le fait de distinguer Jean des autres. Oui, de distinguer Jean des autres. Alors en plus, Jean est particulier sur au moins deux points. C'est que c'est un évangile beaucoup plus théologique que les autres. Et du coup, on a eu tendance à dire « il est moins historique ». Et la deuxième caractéristique de Jean, c'est qu'au contraire, plus on a fait des recherches au siècle dernier sur l'évangile de Jean, plus on a confirmé sa valeur historique. Donc on l'a réhabilité en quelque sorte. Mais Jean-Marie Salamito, les évangiles, ce ne sont pas les premiers écrits chrétiens. Alors, ce ne sont pas tout à fait les premiers écrits chrétiens. En tout cas, c'est parce qu'on entend aujourd'hui par cela. Alors, disons, entendons-nous, les premiers écrits chrétiens que nous avons, Bernard Poudron, Vincent Zarini et moi-même, avec nos collègues que nous avons publiés dans ce volume de la Pléiade, ce sont les écrits des deux premiers siècles chrétiens, en plus du Nouveau Testament. Alors, si on veut être très rigoureux, les plus anciens écrits chrétiens, ce sont les épîtres de Saint Paul. En tout cas, les épîtres qui lui sont attribuées de manière certaine. Et le texte chrétien le plus ancien de tous, c'est la première épître aux Thessaloniciens qui doit dater de la fin des années 40 ou disons de l'an 50. Autrement dit, on a le premier texte chrétien, première épître aux Thessaloniciens, une vingtaine d'années après la mort et la résurrection de Jésus. Les premiers écrits chrétiens, les premiers auteurs ont été des contemporains de personnes qui ont connu le Christ. Alors, il y a eu des... Il y en a un certain nombre que vous citez. Il y a eu des gens qui ont été, en tout cas, en relation avec des apôtres. Par exemple, Clément de Rome, dont nous publions l'Épître aux Corinthiens, qui est évidemment à ne pas confondre avec les Épîtres aux Corinthiens de l'apôtre Paul. Clément de Rome est donné par toutes nos sources comme ayant été un proche de l'apôtre Pierre. Ou encore, nous publions le livre 3 du « Contre les hérésies » de saint Irénée de Lyon. Or, Irénée était originaire d'Asie mineure, où il avait connu Polycarpe Smyrne, et Polycarpe de Smyrne disait avoir connu l'apôtre Jean. On a donc une certaine continuité, si vous voulez. Il y a un très grand sens des générations. Hein, on est face à des gens qui savent qui ils ont connu et qui avaient connu ceux qu'eux-mêmes ont connus. Il y a une certaine idée de la transmission, d'une succession de générations. Comme chacun de nous pourrait savoir de quel professeur il a été élève, comme un artiste, un musicien sait qui a été son professeur et de quel professeur son professeur a été l'élève. Si on prend l'exemple de l'Épître aux Corinthiens, justement, vous nous dites que ça n'a rien à voir avec celle de Paul. Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Alors, ce qu'il y a de différent, c'est que déjà, on est beaucoup plus tard. C'est-à-dire que l'Épître aux Corinthiens de Clément de Rome date des années 90. Donc, on est grosso modo une trentaine d'années après la mort de l'apôtre Paul et la mort de l'apôtre Pierre. Pierre et Paul sont morts sans doute à peu près au même moment, c'est-à-dire milieu des années 60. Et l'Épître aux Corinthiens de Clément de Rome est très différente parce qu'elle est inspirée par des circonstances actuelles pour l'auteur. C'est-à-dire une dissension des difficultés d'entente entre les chrétiens de Corinthe. Et Clément de Rome, qui se sent en tant que Romain, donc en tant que membre de cette église qui a connu Pierre et Paul, Clément de Rome se sent un peu responsable et il veut appeler ses Corinthiens à la paix. Autrement dit, il y a un point commun avec Paul, c'est vrai, c'est qu'il y a des aspects pratiques, il y a des aspects actuels. Les épîtres de Paul ne sont jamais écrites dans l'abstrait, elles répondent à des questions, elles répondent à des problèmes de son époque et des chrétiens de son époque. Eh bien, l'épître aux Corinthiens de Clément de Rome répond aussi à des questions, elle va au-devant d'un certain nombre de problèmes et elle essaie d'apporter des solutions. Jean-Marie Salamito, l'œil du chercheur quand il découvre ces textes, dites-nous un peu quel était votre rapport personnel vous-même avec certains de ces textes. D'abord, comment est-ce que vous les avez découverts ou redécouverts? Existaient-ils dans l'histoire de l'Église? Étaient-ils enseignés? Étaient-ils connus? Les a-t-on redécouverts à l'occasion du Concile Vatican II, par exemple? Quelle est l'histoire de ces morceaux de papier? Alors, l'histoire est en fait relativement simple. C'est-à-dire que nous-mêmes, c'est-à-dire les artisans du volume de la bibliothèque de la Pléiade, nous n'avons pas redécouvert quelque chose. Nous avons rassemblé en un volume qui a l'avantage d'être unique, de donner un ensemble considérable sous un faible volume. Nous avons rassemblé des textes qui étaient parfaitement connus. C'est-à-dire qu'on a, depuis le XIXe siècle, redécouvert les Pères de l'Église, et notamment les tout premiers, c'est-à-dire les auteurs du IIe siècle, les apologistes. On les a redécouverts au XIXe siècle parce que l'Église avait des difficultés avec les États modernes qui étaient en train de se constituer. Le Vatican avait des problèmes avec le tout nouvel État italien et des évêques italiens se mettaient à citer des évêques du IIe siècle, c'est-à-dire du temps où le christianisme était illégal parce qu'on avait cette fois de nouveau des difficultés avec l'État. Tiens. Oui, c'est une manière de retrouver ses propres problèmes dans les textes du passé. Et puis alors, ce qui est très connu, c'est ce qu'on appelle le renouveau patristique, c'est-à-dire une grande redécouverte des pères de l'Église qui a eu lieu au XXe siècle et qui prépare très largement le Concile Vatican II, dont les citations patristiques sont extrêmement importantes. Un certain nombre des experts du Concile Vatican II, des théologiens qui ont à la fois préparé et permis ce concile sur le plan intellectuel, c'était des gens qui lisaient énormément les pères de l'Église. Mais ça veut dire que ces textes étaient délaissés avant ? Non, délaissés, pas vraiment. C'est-à-dire que, si vous voulez, si on prend le 19e siècle, prenons quelqu'un qui enseignait à la Sorbonne au 19e siècle, qui a été le futur Monseigneur Freppel, qui était professeur d'éloquence ecclésiastique à la Sorbonne. Eh bien, il aurait dû, s'il avait fait comme ses prédécesseurs, enseigner Saint Jean Chrysostome, Saint Augustin, disons les pères extrêmement connus du 4e siècle et du début du 5e siècle. Or, il a montré une certaine originalité en enseignant les apologistes du 2e siècle, par exemple. C'était des auteurs qu'on lisait beaucoup moins à l'époque. De nos jours, on connaît ces auteurs. Il y a une très grande collection française qui est basée à Lyon, qui s'appelle Sources chrétiennes, et qui publie en bilingue, donc grec, français, latin, français, ou dans certains cas d'autres langues, ces auteurs. Le problème, c'est que ce sont évidemment des volumes très savants, bon, qui sont très utiles, qui sont dans toutes les grandes bibliothèques universitaires du monde, mais pour le grand public, nous avons pensé, mes collègues et moi-même, faire ce volume de la Pléiade. Donc ce ne sont pas des découvertes retentissantes, non, ce sont des textes que l'on connaît depuis pas mal d'années, qui sont lus et qui cette fois sont mis à la disposition d'un beaucoup plus vaste public. Enfin, pour vous donner une idée, le volume Premiers écrits chrétiens de la Pléiade s'est vendu à 10 000 exemplaires entre sa parution le 20 octobre dernier et les premiers jours de janvier. Bon, c'est considérable pour un ouvrage qui présente tout de même un certain nombre d'exigences intellectuelles. Mais c'est un événement dans le sens où ça n'avait pas été rassemblé. Ça n'avait pas été rassemblé, oui. Et c'est ça qui est un peu étonnant. On peut se demander pourquoi l'institution même de l'Église n'avait pas sollicité une telle initiative. Oh, il y avait eu des choses qui avaient été faites. Par exemple, il y a des pères apostoliques qui étaient en collection de poche foi vivante depuis déjà longtemps. Mais c'est vrai que chacun travaille de son côté. Chacun est confronté à un certain nombre de problèmes, s'occupe de tel auteur, travaille sur telle question. Là, il se trouve qu'on a eu l'idée, il y a déjà pas mal d'années, parce que ce bouquin a pris du temps, on a eu l'idée de rassembler ces auteurs. C'est l'avantage de la Pléiade. Le papier Bible, un volume très compact, bon, à peu près 1650 pages. Bon, quelqu'un peut avoir en main, vraiment concrètement, dans sa main, ses auteurs, peut aussi les lire, peut faire des comparaisons. Alors, un plus, évidemment, de notre petit ouvrage, enfin, petit ouvrage, si je puis dire, il est assez riche en texte. Oui, c'est quand même une œuvre. Et puis, ce sont des œuvres. Un plus, c'est qu'il y a des index, et donc, on peut faire une recherche. Par exemple, on s'interroge sur un verset de l'Évangile, on a envie de savoir ce que ces auteurs en pensaient, on regarde l'index biblique, et on peut trouver ce verset de l'Évangile cité par les différents auteurs. Ces textes ont un statut canonique ? Canoniques, non, ils ne font pas partie du Nouveau Testament, mais simplement ils font partie de la tradition chrétienne, ils font partie dès l'Antiquité de ce qu'on appelle la Grande Église. Et puis, certains de nos auteurs sont des saints, comme Saint Clément de Rome, Saint Irénée de Lyon, et puis nous avons aussi des actes de martyrs. Donc ce sont des textes, alors par rapport aux apocryphes, aux écrits apocryphes chrétiens qui existaient déjà dans la Pléiade, ce sont des textes de la grande tradition chrétienne, du courant majoritaire du christianisme. Ce ne sont pas des textes marginaux. Mais qu'est-ce qui différencie aujourd'hui, pour l'œil non averti, justement, un texte apocryphe, des textes de la même époque, qui s'interrogeaient aussi sur la définition du christianisme? Parce que très tôt, le christianisme sera en but à cette question de savoir comment se définir, aussi bien par rapport aux juifs qu'aux grecs, qu'au monde entier, en fait, à donner une définition propre de sa singularité. Qu'est-ce qui distingue un texte pertinent qui justifie d'être sélectionné d'un autre texte qui ne mérite pas de l'être? Alors, ce n'est pas une question de mérite, c'est que ce sont des textes de statut différent. Hein, les apocryphes, qui sont des textes qui prétendent, pour un certain nombre d'entre eux, être des évangiles ou être des actes des apôtres, n'ont pas été reconnus par la tradition ecclésiale, n'ont pas été mis dans le Nouveau Testament. En général, ils sont nettement plus tardifs que les textes du Nouveau Testament. Alors, ils correspondent en plus, ces textes apocryphes, les évangiles apocryphes, les actes apocryphes, ils correspondent très souvent un besoin de légende, un besoin d'imaginaire, un besoin de fiction. Donc on n'est pas dans le principe de réalité dont je parlais tout à l'heure et qui est très réel dans les évangiles ou de manière générale dans le Nouveau Testament. Alors nos textes à nous sont des textes de la Grande Église, ils sont des textes qui ont toujours été reconnus dans la tradition ecclésiale. Je pense qu'ils sont aussi beaucoup plus dans la réalité. Il suffit de lire un des évangiles apocryphes pour voir qu'on a affaire à un Jésus qui est très désincarné par rapport au Jésus très concret que l'on trouve dans les évangiles canoniques, dans les évangiles reconnus par l'Église. C'est ça qui va faire la différence, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une appréciation, il a fallu statuer à un moment. Alors, on a statué dans l'histoire, hein. Ça s'est fait au cours des siècles, au cours du second siècle, au cours du troisième. Au quatrième, les choses sont assez bien stabilisées déjà. Ça s'est fait assez spontanément. Il y avait des textes qui circulaient partout. Les quatre évangiles canoniques, on en a une quantité de manuscrits qui est exceptionnelle pour des œuvres de cette époque-là, pour des œuvres de l'Antiquité. Les manuscrits du Nouveau Testament et des différentes œuvres du Nouveau Testament sont très nombreux. En plus, on a des papyrus du second siècle pour un certain nombre d'évangiles. Ça veut dire que ce sont des textes déjà reconnus spontanément par les chrétiens ici ou là, parce que on sait qu'ils renvoient à de bonnes sources. On y retrouve un Jésus que l'on connaît déjà et que l'on reconnaît bien. Donc il y a une espèce de consensus de la multitude sur un certain nombre de textes, consensus qui est confirmé par, disons, ce qu'on appelle la hiérarchie. Donc il y a une forme de vox populi aussi sur ces textes. Oui, il y a toujours, de toute façon, dans le christianisme, on voit très bien, il y a toujours une forme de vox populi. Dans bien des cas, les autorités ecclésiastiques ne font que se faire l'écho de ce que déjà la plupart des gens pensent et ont reçu. Camprieur et Mordilla disent « le Christ est venu, mais on a eu l'Église en fait ». Ah ben c'est Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oh, c'était une vieille citation. C'était en fait une structure, une institution. Oui, alors une structure. Bon, c'est on va le dire très franchement, c'est l'éternel cliché qui oppose Jésus dans sa fraîcheur, sa spontanéité, son individualité, et puis l'institution qui serait a priori, d'après nos idées actuelles, rébarbative, voire oppressive. Mais attention, Jésus lui-même crée une structure, il a ses douze disciples, c'est une espèce de petite école rabbinique, il les envoie en mission avec des consignes. Et puis, on voit très bien dans les évangiles qu'il y a deux formes d'enseignement de Jésus. Il y a un enseignement aux foules et il y a un enseignement aux disciples. Alors, quand il parle aux foules, en général, les disciples sont là. On a un certain nombre de passages qui disent Jésus parle aux disciples et aux foules. Et puis, il y a des passages que tout le monde connaît ou que tout le monde peut retrouver dans les évangiles où Jésus parle, en grec, c'est « katidian » en particulier, à ses disciples. Il leur donne un enseignement de type rabbinique, de type de celui d'un maître qui a ses disciples proches de lui, vivant avec lui et à qui il parle d'une manière relativement confidentielle. Donc ça, c'est déjà une institution d'une certaine façon. Et le propre de l'Église, c'est d'avoir su créer cette institution ou dû créer cette institution assez vite. Mais assez vite, ce qui est normal, bien sûr. Parce qu'il faut toujours être organisé. Les êtres humains ont toujours tendance à s'organiser. Quand ils font une grève, ils font un comité de grève. Jean-Marie Salamito, vous n'allez pas vous mettre en grève, vous restez avec nous, il nous reste une demi-heure bien sûr, après les infos, pour continuer à parler de ces premiers écrits chrétiens. On va en prendre un certain nombre d'extraits et puis avoir vos analyses sur la pertinence qu'ils ont bien sûr aujourd'hui. A tout de suite après les infos. Il est fissuré, la peinture s'écaille, votre plafond vieillit. Creative Design lui donne un coup de jeune et le remplace par un magnifique plafond tendu. Quelle classe! Sans odeur ni poussière, sans déménager, Creative Design vous en assure la pose dans la journée. Fini les plafonds abîmés, cloqués ou humides. Avec Creative Design, votre plafond tendu mat, satiné ou brillant, garanti 10 ans, est tout simplement superbe. Appelez vite Creative Design pour un devis gratuit au 01 58 88 21 20 58 88 21 20. Vous souhaitez vous séparer de certaines pièces, meubles, tableaux, bibelots, linge de maison ou tout objet de collection? La Maison Philippe Antiquité les estime gratuitement et paie vos biens comptant. Nous réglons vos successions et partages. La Maison Philippe rachète toute argenterie, objets russes, montres gousset et montres bracelets. Maison Philippe se déplace sur rendez-vous, même en province. 01 45 90 38 04. 01 45 90 38 04. Ça fait 40 ans que nous vivons dans notre maison. Nous y avons tous nos souvenirs. Mais il est temps de songer à ce qu'elle va devenir quand nous ne serons plus là. Avec mon mari, nous avons décidé de la léguer à Habitat et Humanisme, qui pourra y loger des familles en difficulté. C'est important pour nous de savoir que nos valeurs de solidarité et de partage continueront à vivre après nous. Legs, donations, assurance-vie, notre notaire honoraire bénévole à Habitat et Humanisme vous conseille au 04 72 27 42 58. Vivez le temps du carême sur Radio Notre-Dame. À 8h-2, comme chaque matin, on retrouve le père Jean-Marie Crespin. Bonjour père. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons le Jeudi Saint. C'est la fête des prêtres. C'est l'occasion pour nous de pouvoir prier aux intentions des prêtres, pour leur fidélité, pour leur constance, pour leur ministère, afin qu'ils soient les instruments que le Seigneur utilise pour l'édification de son royaume et la conduite de son Église. Nous avons tous dans notre environnement un prêtre que nous voyons, peut-être pas régulièrement, mais de temps en temps, nous savons tous qu'il y a des jeunes qui s'engagent en vue du sacerdoce. Et nous avons aujourd'hui à nous mobiliser pour que ce moment si précieux de ce Jeudi Saint soit pour nous l'occasion de faire en sorte que, à l'image de ce que nous dit les Actes des Apôtres, notre prière soit comme une colonne qui monte vers Dieu, afin que le cœur de Dieu puisse toucher le cœur de nombreux jeunes pour les appeler au sacerdoce. C'est aussi l'occasion de prier pour nos prêtres plus anciens, qui ont besoin aussi d'être consolés, de pouvoir être paisibles. C'est l'occasion pour nous de soutenir les prêtres qui sont engagés dans la vie pastorale et souvent avec une tentation d'épuisement. Et que cette journée soit un bon Jeudi Saint pour chacun d'entre nous. Il est bientôt 8h, les infos vous sont présentées comme chaque matin par Flora Cortez. On retrouve Jean-Marie Salamito juste après avec les premiers écrits chrétiens. Bonjour à tous. Le président américain Donald Trump a plaidé pour une entente entre les États-Unis et la Russie malgré une rencontre glaciale à Moscou entre les chefs des diplomaties des deux puissances nucléaires dont les relations sont au plus bas. La guerre en Syrie demeure le contentieux le plus lourd entre Washington et Moscou. Donald Trump traitant son homologue syrien Bachar al-Assad de boucher et d'animal et jugeant possible que la Russie était au courant de l'attaque chimique du 4 avril imputée au régime de Damas. Signe des divergences patentes entre occidentaux et russes, ces derniers ont opposé à l'ONU leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité réclamant une enquête internationale sur cette attaque chimique présumée. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé des manœuvres militaires et de ses forces spéciales. C'est ce que rapportent jeudi des médias d'État nord-coréens au moment où la tension monte entre Pyongyang et Washington au sujet du nucléaire. Certains spécialistes estiment que la Corée du Nord pourrait utiliser le prétexte des célébrations du 105e anniversaire de la naissance du fondateur du régime samedi pour réaliser son 6e essai nucléaire. 2 ans après les révélations sur des abus sexuels perpétrés par des soldats français et africains en Centrafrique, l'ONU n'a pas avancé face à ce fléau qui touche plusieurs missions de maintien de la paix. C'est ce qu'ont dénoncé hier l'ex-juge canadienne Marie Deschamps et des associations. Même si le nouveau secrétaire général de l'ONU a promis de faire des victimes de tels sévices une priorité, on ne voit pas de développement concret, pas de pression qui est mise, rien ne se passe, a estimé Marie Deschamps lors d'une conférence de presse à New York. Les aides au développement allouées par les pays industrialisés ont augmenté de près de 9% en 2016 à 142,6 milliards de dollars. Dopés par l'assistance aux réfugiés, mais les apports aux pays les plus pauvres continuent de refluer selon des données publiées en début de semaine par l'OCDE. Les sommes consacrées à l'aide aux réfugiés ont ainsi grimpé de plus de 27%, passant de 12 à 15 milliards de dollars, a précisé l'Organisation pour la coopération et le développement économique. 11 plaintes pour entrave à la libre circulation d'un côté, beaucoup de certitudes de l'autre. Après 3 semaines d'un mouvement social en Guyane, le fossé semblait difficile à combler mercredi entre opposants et partisans de la poursuite du blocage. Au lendemain d'une première manifestation anti-blocage à Kourou, où une main courante avait été déposée en gendarmerie, un cap a été franchi mercredi à Cayenne. Une centaine de chefs d'entreprise, de commerçants et d'artisans se sont postés devant le commissariat cette fois-ci pour porter plainte. Une 60aine de surveillants pénitentiaires d'Île-de-France bloqués ce matin l'entrée de la maison d'arrêt de Villepinte en Seine-Saint-Denis pour dénoncer la surpopulation carcérale et des conditions de travail dégradantes. La directrice de la maison d'arrêt de Villepinte avait annoncé fin mars qu'elle n'accueillerait pas de nouveaux détenus, son taux d'occupation ayant atteint le record de 201%. Depuis, le nombre de détenus a légèrement baissé. Le grand témoin, Louis Dauphren. On parle ce matin des premiers écrits chrétiens rassemblés notamment par Jean-Marie Salamito dans la collection de la Pléiade. C'est un succès de librairie qui mérite d'être souligné parce que ce n'est pas si fréquent qu'une approche scientifique, historique, sur des questions quand même complexes et lointaines, emporte une adhésion de la part du public. Alors on va voir avec vous, Jean-Marie Salemito, un certain nombre de ces textes, donc de ces premiers écrits du christianisme, avant Saint-Augustin, avant les pères de l'Église qui sont plus connus du grand public. Le deuxième siècle est par excellence celui de l'autodéfinition du christianisme. C'est à ce moment-là que le mot apparaît pour la première fois d'ailleurs chez Ignace d'Antioche. On peut constater d'ailleurs que les premières terres chrétiennes ne le sont plus aujourd'hui quand même. Oui, bien sûr. Le christianisme est avant tout une religion orientale à l'origine. Donc, en fait, le christianisme est particulièrement présent dans les premiers siècles en des pays qui, aujourd'hui, sont des pays à majorité musulmane. Est-ce qu'on peut d'abord parler de ce moment où le christianisme doit se définir par rapport au judaïsme? C'est le temps de la séparation d'avec les ancêtres. Est-ce qu'on peut citer par exemple le dialogue avec le juif Tryphon? Alors, le dialogue avec le juif Tryphon est une œuvre donc du milieu du IIe siècle et qui raconte un dialogue, peut-être réel, peut-être fictif, entre l'auteur Justin, qui est un samaritain d'origine, mais qui est venu à Rome fonder une école de philosophie, et Tryphon, qui est un maître juif et qui est accompagné de ses disciples. Et tous les deux dialoguent, on voit très bien comment se définissent les positions respectives des juifs et des chrétiens à ce moment-là. C'est-à-dire que la grande question, c'est l'interprétation des Écritures. Les chrétiens vont dire aux juifs, Justin dit à Tryphon, regardez les Écritures, regardez vos prophètes, regardez les psaumes, vous voyez bien que cela annonce Jésus, que nous appelons le Messie, le Christ. Et évidemment, en face, Tryphon propose d'autres interprétations de l'Écriture et formule un certain nombre de critiques à l'endroit des chrétiens. Mais alors, ce qui est très important, à mon avis, c'est que nous avons là un dialogue entièrement pacifique, je dirais même fraternel, entre un intellectuel chrétien et un maître juif. C'est-à-dire que nous avons ici l'exemple, hein, nous sommes au IIe siècle, nous sommes dans les tout débuts du christianisme, face à un judaïsme qui est beaucoup plus fort que lui, eh bien, nous avons un dialogue tout à fait pacifique. Ce qui est très beau, j'en donne l'exemple peut-être, si vous le voulez bien, Louis Dauphren, c'est cette conclusion du dialogue. Parce qu'on dit quelquefois, voilà, c'est un dialogue qui se termine sur le fait que chacun reste sur ses positions. Oui, mais c'est très beau de la part de Justin de montrer que chacun peut rester sur ses positions au lieu d'inventer un juif qui, à la fin du dialogue, se trouverait complètement accablé par les arguments chrétiens et qui déciderait de passer au christianisme. Je crois que Justin est respectueux par la même. Et qu'est-ce qu'on a à la fin? On a Tryphon qui dit « J'avoue avoir pris un rare plaisir à cet échange. » Je cite le texte. Et en parlant de ses disciples, il ajoute « Et je crois que cela partage le même sentiment. » Quant à Justin, il dit « Moi, je voudrais qu'il en fût ainsi chaque jour. » Et il voudrait donc dialoguer comme ça chaque jour pour mieux apprendre à interpréter les Écritures dans le dialogue avec ce juif. Et nous dit Justin, à propos de ses interlocuteurs juifs, « Ils s'éloignèrent en priant pour qu'à l'avenir je sois préservé des dangers de la navigation, car Justin doit faire un voyage, et de tout mal. Priant pour eux de mon côté, je leur dis « Je ne peux faire de meilleure prière, mes amis, que de vous souhaiter de comprendre ce qu'il a été donné à tout homme, d'accéder au bonheur par cette voie et de partager vous aussi entièrement notre foi que notre maître est bien le Christ, le Messie de Dieu. » Alors évidemment, le chrétien souhaite que les juifs deviennent chrétiens et puis les juifs souhaitent rester juifs. Mais j'attire l'attention de tout le monde sur le caractère très fraternel et pacifique de ce dialogue. Il y a eu d'autres moments, hélas, moins pacifiques dans l'histoire des rapports entre juifs et chrétiens, mais il ne faudrait pas tout noircir. Je crois que ce témoignage de Justin est très important. Il y a des arguments clés qui servent aujourd'hui au dialogue que peuvent avoir chrétiens et juifs dans ce texte. Oh, il y a des arguments, oui, qui sont l'interprétation des Écritures, comme toujours. Mais de toute façon, c'est un problème à la limite insoluble parce que n'importe quel texte, et ceux de l'Ancien Testament comme d'autres, voire plus que d'autres, sont susceptibles d'être interprétés de façon différente. Déjà, on peut traduire les vœux d'une manière différente. On peut utiliser la traduction grecque des Septante, qui, elle, est du 3e siècle avant l'ère chrétienne et qui est utilisée pendant très longtemps par les chrétiens. Donc, il y a toujours la possibilité que chacun reste sur ses positions. Après, je crois que ce qui est déterminant, ce qui sera toujours déterminant pour quelqu'un, c'est l'idée qu'il se fait de la personne de Jésus. Ça reste un point absolument névralgique. La personne de Jésus de la définition de la personne de Jésus. Oui, la définition mérite, on n'a même pas besoin de définir la personne de Jésus, parce que ce serait déjà la limiter. Ce que je veux dire, c'est que... Vrai Dieu et vrai homme, ce n'est pas simple à définir. Non, mais justement... Même à conceptualiser. Non, ce n'est pas simple à conceptualiser, mais à la limite, un croyant ou un non-croyant peut s'emparer de cette définition, vrai Dieu et vrai homme, et puis prendre les évangiles, les lire et regarder ce qu'il y a pour lui de très humain en Jésus et ce qui peut être divin. Regardez par exemple dans Jean, quand Jésus dit « avant qu'Abraham fût, je suis », c'est la manière de parler de Dieu à Moïse. Quand on vient arrêter Jésus au jardin des Oliviers, « qui cherchez-vous ?» demande Jésus. « Jésus de Nazareth, c'est moi », en grec « ego eimi », qui veut dire à la fois « c'est moi et je suis ». Et que font, d'après le texte, les gens qui sont en face de lui? Ils tombent à la renverse. Autrement dit, ce qu'a voulu montrer l'évangéliste, c'est qu'il y a une présence de Jésus, qui est une présence extraordinaire, qui est une présence absolument exceptionnelle et qu'elle impressionne ces gens-là qui sont en face de lui. D'ailleurs, sur la personnalité de Jésus, je vais donner un exemple très, très simple. Il y a un livre tout récent qui est la biographie de Ponce Pilate par un historien du droit romain italien qui s'appelle Aldo Schiavone. Et Schiavone écrit cette biographie de Ponce Pilate en analysant notamment l'interrogatoire de Jésus par Pilate. Or, Schiavone, à ma connaissance, n'est absolument pas croyant. C'est quelqu'un qui a été dans l'essentiel de sa carrière, un historien d'obédience marxiste et tout à fait rigoureux. Il montre en Jésus quelqu'un d'absolument exceptionnel. Et il le ressent comme ça à travers les réponses de Jésus à Pilate, ce qui ne m'étonne pas du tout. Il n'y en a pas tant que ça, des réponses de Jésus à Pilate. Ah non, mais elles sont très fortes. Et puis, c'est un interrogatoire qui connaît différentes étapes et puis qui met en jeu des notions extrêmement importantes. Enfin, quand Jésus dit « je suis venu pour rendre témoignage à la vérité » et que Pilate s'interroge, mais qu'est-ce que c'est la vérité ? L'interrogatoire était public ou privé ? L'interrogatoire, il est à l'intérieur du palais du gouverneur. On voit d'après le texte que les grands prêtres restent dehors et que Pilate est amené à se déplacer. Et l'interrogatoire n'est pas exclusivement privé, puisque Pilate doit avoir avec lui des collaborateurs, bien évidemment. Il Donc a ça a été major entendu pour que ce soit transcrit, ça a bien été entendu. Ça a été évidemment entendu. C'est un dialogue très court, mais extrêmement, extrêmement intense. Il n'y avait pas de greffier. Si, il y en avait certainement, et puis il y avait la possibilité d'une mémoire orale. Bon, il y a quelqu'un qui a pu entendre cet interrogatoire et le rapporter, mais beaucoup d'historiens considèrent cet interrogatoire comme en très très grande partie vraisemblable, tout à fait conforme à la psychologie d'un gouverneur romain, à sa manière de faire. Et je le répète, Schiavone est amené à dire dans cette biographie de Ponce Pilate que Jésus a un charisme absolument exceptionnel. Il est très impressionné, lui, en tant qu'historien, par la maîtrise de soi-même qu'il y a chez Jésus et sa façon de répondre à Pilate. Alors c'est là que je rejoins vrai Dieu et vrai homme. Peut-être justement que quelque chose de sa divinité transparaît à travers l'humanité même de Jésus et à travers son historicité, à travers sa manière très concrète de se comporter. Jean-Marie Salamito, Diognette à présent. Alors, la Diognette, on va dire un mot de la Diognette. C'est un texte anonyme, nous ne connaissons absolument pas l'auteur. Je laisse de côté les hypothèses sur l'identité de cet auteur parce qu'elles sont toutes fragiles. Je vais peut-être lire ce que dit cet auteur anonyme qui s'adresse à un ami fictif ou réel qu'il a appelé, qui s'appelle ou qu'il a appelé Diognette. Donc dans la Diognette, il y a des considérations assez intéressantes sur... Les chrétiens dans le monde, c'est au chapitre 5, quelques mots de ce texte. Ils résident, chacun dans sa patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils participent à tout comme des citoyens et se soumettent à tout comme des étrangers. Toute terre étrangère est leur patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils font des enfants, mais n'abandonnent pas leur progéniture. Ils partagent la même table, mais pas le même lit. Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils vivent sur terre, mais sont citoyens dans le ciel. Ils obéissent aux lois en vigueur, mais leurs mœurs font mieux que les lois. On a tout le paradoxe chrétien, résumé en quelques lignes, d'appartenance à ce monde et en même temps d'appartenance à un autre monde. C'est ce qui a suscité le fait que les chrétiens aient été regardés par l'Empire romain comme une sorte de bizarrerie. Est-ce qu'on peut dire la chose comme ça? Oui, de bizarreries, de toute façon, des bizarreries, il y en avait pas mal dans l'Empire romain, parce que toutes les religions orientales qui se sont diffusées en allant vers l'Occident ont toujours suscité un peu de curiosité ou un peu de défiance. Prenez Tacite, Tacite écrivant au début du IIe siècle, quand il parle des chrétiens, il dit que c'est une affreuse superstition qui est arrivée à Rome comme des quantités d'autres nouveautés et d'idées bizarres qui confluent à Rome. C'est normal, capitale d'empire où les gens viennent et viennent d'un petit peu partout en apportant leurs idées ou leur religion. Mais le problème, c'est que les chrétiens refusent de sacrifier, et notamment de sacrifier à, lors du culte impérial ou de sacrifier à des dieux en faveur de l'empereur. Eux-mêmes prient pour l'empereur. Les chrétiens affirment leur loyauté envers l'empereur, mais en même temps, ils veulent garder la sphère préservée, la sphère protégée, le domaine protégé de leur vie religieuse, de leur rapport à un Dieu unique. Mais vous parlez de cette liberté personnelle qui les rend quelque peu irréductibles. Oui, d'une certaine façon. C'est peut-être ça qui les distingue d'autres croyances, je ne sais pas. Peut-être. Il y a ce rapport personnel et cette expression de la liberté individuelle. Par exemple, si nous prenons Pline le Jeune, un autre auteur romain qui est d'ailleurs un ami de Tacite, Pline le Jeune écrit au début des années 110 qu'il a trouvé chez des chrétiens en Asie mineure, il a trouvé chez des chrétiens une espèce d'entêtement, une capacité à lui résister, à lui parler avec fermeté, qui, à lui, gouverneur de province, lui a paru suspecte, et c'est ce qui a fait qu'il a fait mettre à mort ces chrétiens, même pas pour christianisme, il ne savait pas pourquoi il les faisait mettre à mort, mais en tout cas, leur entêtement et leur capacité à tenir tête, à résister au gouverneur, lui paraissait suspecte. Et je crois qu'il y a là, enfin je crois en tant qu'historien, qu'il y a avec le christianisme une certaine naissance ou une certaine forme d'approfondissement de la liberté individuelle. En fait, le christianisme, et Diognète le montre, c'est... Est-ce qu'on peut l'interpréter comme un arrachement aux traditions ? Non, pas uniquement. En partie, oui, bien sûr, en partie, puisqu'il s'agit de changer de religion. Je veux dire, au IIe siècle, un chrétien, c'est un converti. Il est venu du judaïsme ou il est venu des différents polythéismes du monde gréco-romain. Donc, il s'est arraché à la tradition de ses ancêtres. Mais en même temps, comme vous le voyez dans le texte de la Diognète, le chrétien, il vit comme tout le monde, sauf sur un certain nombre de points, mais il est très, très intégré. Ou encore, dans l'apologétique de Tertullien, un texte qui remonte à l'année 197 et qui est dans notre recueil, dans l'apologétique de Tertullien, Tertullien dit bien, nous chrétiens, nous fréquentons tous les marchés, nous sommes avec vous dans la vie quotidienne. Il y a une présence des chrétiens dans la vie économique, dans la vie sociale qui est très réelle, comme d'ailleurs des juifs. Jean-Marie Salamito, on va écouter l'édito de Gérard Leclerc qui croise Semaine Sainte, si on peut dire, et campagne électorale. Parce que, estime-t-il, c'est difficile évidemment de conjuguer ces deux dates, de conjuguer ces deux temps. Le rapport au temps est peut-être ce qui nous rassemble ce matin. Et Gérard Leclerc nous parle de retrait momentané de la mondanité. Les temporalités se recoupent sans coïncider. La temporalité liturgique n'est pas la temporalité politique. Mais le fait d'être chrétien n'exclut pas du tout le fait d'être citoyen. Il nous faut donc vivre la grande semaine de l'année tout en suivant la campagne électorale, ce qui n'est pas si évident. Car pour être en pleine adhésion avec les mystères que nous commémorons, il faudrait être en état de disponibilité intérieure parfaite, avec le congé donné aux soucis de ce monde. Mais ceci se charge bien de nous rattraper. Alors il faut trouver la bonne mesure, l'accommodement raisonnable. Heureusement, il est possible de choisir des moments pour s'abstraire du vacarme, ne serait-ce qu'en saisissant sa Bible ou son missel. Et puis il y a le refuge des sanctuaires pour les grands offices. Alors là, nous changeons vraiment de temporalité. Avec plusieurs milliers de fidèles du diocèse de Créteil, j'ai fait cette expérience dans le palais des sports de la ville mardi soir à l'occasion de la messe chrismale. Pour l'occasion, ce palais avait été transformé en cathédrale. La vraie cathédrale, toute neuve, étant d'ailleurs près de là, ne pouvant accueillir pareille foule en dépit de ses belles dimensions. Oui, c'était vraiment une autre temporalité, l'espace liturgique nous faisant plus que symboliquement pénétrer dans un autre temps, un autre climat, un autre imaginaire. Une magnifique chorale nous y aidait puissamment et la ferveur des participants autour de leur évêque, Mgr Michel Sentier, et de son presbytérium signifiait une adhésion intérieure et unanime à cette consécration des huiles saintes qui renvoyait à la force sacramentelle de l'Église. Notre cité n'est pas seulement d'ici-bas, mais comme le dit l'apôtre, elle est céleste. La cérémonie s'est terminée d'une façon étonnante, une fois la bénédiction de l'évêque répandue sur l'assemblée. Celle-ci s'est transformée en une houle de joie, tous applaudissant et chantant à tue-tête pour manifester leur bonheur d'être ensemble et d'avoir vécu pareil événement. Une houle de joie particulièrement impressionnante parce que la diversité des visages se fondait dans une communion sans mélange. 2000 ans après, ça existe encore. C'est ce qu'on pourrait se dire, Jean-Marie Salamito, parce que les vicissitudes de l'histoire auraient très bien pu faire disparaître le christianisme, comme n'importe quel autre mouvement. Il y a des hérésies qui ont évidemment disparu. L'Église s'en est plutôt d'ailleurs pas mal tirée avec les hérésies d'une manière générale. Ah ben, elle s'en est toujours très bien tirée, mais avec pas mal de casse aussi. C'est toujours dommage que des gens quittent la famille, quittent la grande maison. Mais intellectuellement, elle a réussi à les dominer, ou en tout cas à trouver une forme de logiciel interne qui permet de maintenir la cohésion de son institution. Ben, il y a toujours une fécondité intellectuelle et puis des penseurs qui ont discuté. Le christianisme, c'est aussi une vie intellectuelle. Maintenant, il y a une différence. Je voudrais vous interroger là-dessus par rapport à ces premiers écrits chrétiens. Entre la société post-chrétienne dans laquelle on est aujourd'hui et peut-être la société qui n'est pas encore chrétienne, peut-être pré-chrétienne dans l'Empire romain par exemple, qu'est-ce qui fait la différence? Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait cet élan, cette forme de poil à gratter que représentait peut-être cette même insolence que représentaient les chrétiens par rapport à la révérence qu'on devait à l'empereur. Est-ce que les chrétiens sont encore insolents aujourd'hui? Alors les chrétiens, ils peuvent être insolents aujourd'hui éventuellement, mais ils ont Sens du terme. Bien sûr, j'espère. Ils ont en tout cas une situation très différente. Parce que s'ils se retrouvent minoritaires comme l'étaient les chrétiens des premiers siècles, ils n'ont pas la même fraîcheur que les frères qui les ont précédés. Et surtout, il y a un passif. Le gros problème de ce qu'on appelle la nouvelle évangélisation, c'est qu'elle ne part pas de rien. Elle doit s'adresser à des gens dont beaucoup gardent un mauvais souvenir d'années pendant lesquelles le christianisme a été majoritaire. C'est là notre différence. C'est que nous devons, en tant que chrétiens, à la fois être minoritaires et supporter le poids d'avoir été une majorité et pas forcément une majorité toujours digne de l'enseignement qu'elle avait reçu. Ça, c'est évidemment un exercice délicat. Je crois que c'est qui ne se pose pas du tout ici dans les textes. C'est la grande difficulté. Nous ne sommes pas dans la nouveauté. Il y a du passé, ce passé quelquefois un passif. Il y a un message aux hommes politiques. Alors, c'est on peut dire comme différent. Ça. Oui, ça peut falloir comme un message, mais en l'occurrence, c'est une prière. Dans l'Épître aux Corinthiens de Clément de Rome, il y a une grande prière ecclésiale qui est citée. C'est un document très intéressant, ça nous fait une prière chrétienne des années 90, une trentaine d'années après la mort et la résurrection de Jésus. Alors, je lis, si vous voulez, en la dédiant à nos hommes politiques, cette prière. « Accorde, concorde et paix à nous et à tous ceux qui habitent la terre, comme tu les as accordés à nos pères lorsqu'ils t'invoquaient saintement avec foi et vérité. Puisque nous devenons serviteurs de ton nom tout-puissant et excellent, ainsi que de ceux qui nous commandent et nous gouvernent sur la terre. Toi, Maître, tu leur as accordé le pouvoir de la royauté par ta force magnifique et indescriptible, afin que, puisque nous connaissons la gloire et l'honneur que tu leur as accordés, nous leur soyons soumis, sans nous opposer en rien à ta volonté. Et à eux, Seigneur, c'est-à-dire aux gouvernants, accorde santé, paix, concorde, bon ordre, afin qu'ils exercent sans trébucher la souveraineté que tu leur as accordée. Toi, en effet, Maître céleste, roi des siècles, tu accordes aux fils des hommes gloire, honneur et pouvoir sur les choses terrestres. Toi, Seigneur, redresse leurs desseins conformément à ce qui est beau et agréable devant toi, afin qu'en exerçant pieusement, dans la paix et la douceur, la souveraineté que tu leur as accordée, ils te trouvent favorable. C'est plutôt sympa pour les hommes politiques. C'est dans la ligne du chapitre 13 de l'Épître aux Romains, c'est-à-dire que les chrétiens doivent respecter le pouvoir. C'est un peu complaisant, Jean-Marie Salamito. Complaisant, en quel sens? Mais il n'y a pas l'once d'une contestation. Non, il n'y a pas de... Dieu parle à travers ceux qui nous représentent, c'est quasiment ça. Non, ce n'est pas exactement ça. C'est plutôt, surtout si on regarde ça chez Irénée de Lyon un petit peu plus tard, à la fin du second siècle, c'est plutôt ceci. Le pouvoir politique, en tant qu'il assure l'ordre, la sécurité, la paix civile, est un don de Dieu. C'est un limitateur de la violence. C'est, je crois, quelque chose de très très important. Quand Paul dit que le pouvoir vient de Dieu, ça veut dire le pouvoir est un don de Dieu, parce que le pouvoir, c'est ce qui fait qu'on ne vit pas dans la guerre quotidienne de tous contre tous. Dans son principe, mais dans son exercice. Dans son principe et dans son exercice, ça comporte beaucoup d'abus. Mais quels que soient les problèmes que nous rencontrons actuellement, pour parler de notre propre pays, nous avons un avantage immense, c'est d'être dans un pays qui n'est pas en guerre civile, c'est d'être dans un pays qui est en paix sociale et qu'on peut débattre tout de même dans d'assez bonnes conditions globalement. Donc ça veut dire que les chrétiens... Quand on dit, ça sera l'une de mes dernières questions, celle de la terre, qui a ce côté, cette nouveauté dont vous parlez, cette fraîcheur. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes qui s'emparent de l'œuvre à laquelle vous avez contribué, Jean-Marie Salamito, est-ce qu'on retrouve cette possibilité de, je ne dis pas de renverser la table, mais d'être... d'apporter quelque chose de nouveau. Alors d'apporter quelque chose de nouveau, à coup sûr, la distance est... Est-ce qu'il y a un souffle à travers ça, en fait? Bien sûr qu'il y a un souffle. Il y a un message chrétien. Écoutez, on le voit très bien dans le rayonnement de quelqu'un comme le pape François. On voit très très bien ce que ce message, qui est très radicalement évangélique, apporte à des tas de gens. Alors je sais bien qu'il y a des catholiques qui se plaignent qu'on ne les prend pas dans le sens du poil. Mais enfin, il faut voir ce que, pour le monde entier, représente quelqu'un comme le pape François, justement, avec son côté extrêmement évangélique, extrêmement direct et rendant compte de la nouveauté chrétienne. Donc, il serait assez proche de ses premiers écrits. Oui, il y a un côté de commencement, de nouveau commencement. C'est la radicalité évangélique, dire les choses simplement au lieu d'enrober avec quantité de conformismes qui ont pu sédimenter au cours des siècles. Un dernier mot et une réponse rapide. Le cliché des catacombes, c'est un cliché? Oui, c'est un cliché parce que les chrétiens de cette époque-là ne sont pas du tout dans des catacombes, parce que les catacombes ne sont que des cimetières souterrains destinés à gagner de la place parce que le terrain est cher et que les catacombes sont surtout utilisées au 4e et au 5e siècle, donc à un moment où les chrétiens n'ont pas besoin de se cacher. Donc c'est un cliché et peu importe. Voilà, et puis on ne va pas se complaire dans la position du persécuté, surtout pas. Non, non, surtout pas. Avant tout, c'est la joie de l'évangile, comme dirait quelqu'un. Merci beaucoup, Jean-Marie Salamito. Et donc, les premiers écrits chrétiens dans la collection de la Pléiade, une œuvre que vous avez co-dirigée, Jean-Marie Salamito, et que vous avez rassemblée, c'est une première. Et c'est un livre événement. On était heureux d'en parler ce matin avec vous. Merci d'avoir été des nôtres. Et puis merci, on parlera aussi d'Onfray au pays des mythes, à apparaître bientôt aux éditions Salvator. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. On sera sur un terrain aussi intellectuel que vous appréciez. À bientôt, Jean-Marie Salamito. À bientôt. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com. Demain.